Bendejo Pancani, deux frangins, pas de frigo, pas de PGP, un obigo. Une cavale, c'est pour la vie. Et je t'avoue que moi j'ai vu. Bendejo se bat tout seul, souvent son sort était scellé. Zarolette dans sa cellule, ça a un mec de son PQ. Panka pour toi, et la péquette, il met le paquet comme un paquet. Mais Loulou, non, elle a pas touché. Putain, sa vie est trop touchante. Ça se trouve qu'on bistrot, il a attaché. Mais putain, qu'est-ce qu'il attachant. Il attache que des gens téchis. Il laisse la bœuf pour ses enclés. Ta mère ferait vrai que je la mette en cloque. C'est réel, tu prends des claques. Fais pas le fou devant ta clique. Bendejo, j'arrête tout le bloc. Pancani rêvait d'un brick. Dans leur tête, c'est pire que le bronc. Je serai à tout pour prendre des briques. Nerveux comme Gattuso, la vie m'avait pas gâté. Maintenant tout prix, je veux tout le gâteau. Pancani va tous les semaines depuis le début, ils vendent du seul. Moi qui avais même plus de carte SIM, j'ai toujours pas ma carte vitale et le portefeuille sans vite. On vend de voile et j'ai fait craquer. Moi qui nageais dans le même croco, j'arrive dans la pêche, j'crie bâtard. Bendejo va t'écraser, son seul frérot c'est Pancani. M'appelle pas mon frérot, moi à ma gueule n'a pas d'amis. Et en amont, y'avait Luna, la seule idiot pour supporter un pas de hasard, elle est bizarre. Tout seul, j'fous mon bison, la famille grosse est là-bas. Quand ça bosse, le rap on bise. Bendejo allume la veste. Y'a Pancani pour les briser, c'est de bandits, les vise pas le bronze. Une baisse d'un son sans classique comme rappelé dans la cité. Sur un terrain bouscapé, c'est pour Amadou qui est venu me chercher. Ce souvenir il est gravé comme un sur le mur de la gardave. J'oublie pas le seul associé, 420 mon ascension. Bendejo, Pancani rêve sa péquette, ça veut le pacte, ça veut des briques et va sa braque. Dernier chat vite, c'est trop la blingue. Pancani rêve que d'un brin, sa banane gros c'était le bronc. Bendejo allume la braise, Luna elle brise à un cœur. Bendejo, Pancani rêve sa péquette, ça veut le pacte, ça veut des briques et va sa braque. Dernier chat vite, c'est trop la blingue. Pancani rêve que d'un brin, sa banane gros c'était le bronc. Bendejo allume la braise, Luna elle brise à un cœur. Ne fous pas des foutaises, dans le sale drap j'étais foutu. Moi de bas jouer au foot, sur le terrain j'étais futé. Dans le rap beaucoup de futistes, la squad tire gros c'est futu. Dans la tête gros c'est fatal, Pancani dealer t'es fou. Que jamais tu blesses ton fut et que t'es francs qui t'as smité. Dans le four c'était toi le phare, comme un fou tu bougeais pas. 13 bougies j'fais des billets, les bleus m'ont balayé. Le greffe connaît ma biographie, Bendejo un paragraphe. 3 chapitres pour un débrief, mon seul t'a mis des baffes. C'est du sale pour faire du beat, j'suis tout seul c'est pour être bref. J'ai qu'un tranchant c'est pour être sûr et que sur lui que j'peux compter. Ouais t'as capté tout est crypté parce que la squad c'est une crapule. J'suis venu, j'ai vu, j'ai tout baisé, j'suis désolé mais j'abuse pas. Pancani frappe à la bise, tout commence à sur du risque. La drogue, la vie risquée, le passage je pisse dessus. Moi qui dormais sur mon pèse-gramme, maintenant mort arrive de sa poêle. Mais avant ça j'ai fumé le rap, j'compte bien laisser ma plaie. J'ai tellement charbonne sur la pluie, maintenant ça fume, tu sens plus ton. Maman t'inquiète, y'a du plata, Bendejo va cacher plomb. Elle nous grigro, y'a pas pire, mais ta cité me fait pas peur. Ces deux frères contre la paire jusqu'à la mort, c'est pour l'amour. Pour sa ville là, on porte la mer, là je rappelle toi les galères. Les coffres appliquent et ça galope. Dans la rue j'ai mes galons, puis tout petit j'ai mon 38. Mon seul frangin c'est Bendejo. Bendejo, Pancani rêve sa péquette, ça veut le pacte, ça veut des briques et va sa braque. Dernier chapitre c'est trop la blingue. Pancani rêve que d'un brinx, la banane gros c'était le front. Bendejo allume la braise, Luna elle brise à un cœur. Bendejo, Pancani rêve sa péquette, ça veut le pacte, ça veut des briques et va sa braque. Dernier chapitre c'est trop la blingue. Pancani rêve que d'un brinx, la banane gros c'était le front. Bendejo allume la braise, Luna elle brise à un cœur. La banane gros c'était le front, Luna elle brise à un cœur. La pépé. Franchement pas de fricot, pas de PGP, hein, allô Bigo. Ah ouais, ben c'est faux. Une cabane c'est pour la vie. Pour sa vie là, on porte la mer.